بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد ف comme d'habitude inshallah on va commencer par une série de questions-réponses pour réviser le cours précédent. Qui a appris le début de Usul Sunnah d'Imam Ahmed? Vous avez dit que cette partie-là, qu'on apprend l'introduction, est quelque chose d'important. Si l'un d'entre vous peut apprendre par cœur juste cette petite partie déjà et la mettre en pratique, puisque c'est le but de l'apprentissage, sans aucun doute. Qui a appris cette partie? À part El-Kamelen. Ah. Tfad al-Kamel. التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الاقتداء بهم فترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. أحسنت بارك الله فيك. أصول سنة عندنا. On n'a pas entendu. Il a dit le frère Kamel Zallahu Khaira, il a dit أصول سنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. Dans le sens de ces paroles, rahimahullah ta'ala, les fondements de la sunna chez nous, auprès de nous, sont de se cramponner à ce sur quoi étaient les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de prendre exemple sur eux et de délaisser les innovations, et toute innovation est un égarement. Barakallahu fikum. Qu'est-ce que la sunna? As-sunna. Le terme as-sunna. Les paroles, les actes, les approbations et les caractéristiques physiques. Physique, ahsant, et moral, ahsant, ahsant, barakallahu fik. Donc la sunna, c'est les paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ses actions, ses acceptations, de même que ses caractéristiques, ses qualités physiques ou morales. Ça c'est la sunna. Et la sunna s'oppose à l'innovation, al-bid'a. Qu'est-ce que la bid'a? On a défini la semaine dernière ce que el bid'a, l'innovation. Faddal, Damien. C'est une chose qui a été inventée, qui est en opposition avec ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Ahsant. Ahsant, barakallahu fik. C'est une chose inventée en religion. Une chose inventée en religion qui contredit ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Ahsantum. Et j'avais donné un détail sur l'innovation. J'ai dit la semaine dernière que l'innovation se divisait en deux. On a l'innovation dans les choses mondaines, ce qu'on appellera une innovation, une invention, et l'innovation dans la religion. Et c'est ce qui nous intéresse ici, d'étudier l'innovation en religion. Est-ce qu'il y a des bonnes innovations en religion ? Pourquoi certaines personnes ont prétendu que l'innovation pouvait rentrer dans l'une des cinq catégories, comme l'a évoqué Cheikh Rabi' dans son commentaire, Hafidahullah, ces cinq catégories dans lesquelles rentre toute chose de notre religion, c'est-à-dire qu'une chose est soit obligatoire, soit recommandée, soit autorisée, soit détestable, soit interdite. Ces cinq fondements, ces cinq règles de responsabilité religieuse, ce qu'on appelle l'ahkam al-taklifiyya al-khamsa. Certains ont dit que l'innovation pouvait rentrer dans l'une de ces catégories, donc elle est soit interdite, ou soit autorisée, ou soit recommandée, ou soit seulement détestable, ou soit obligatoire. Pourquoi nous disons que l'innovation, sans aucun doute, ne peut pas rentrer dans l'une de ces catégories? Est-ce qu'elle est rejetée? Ahsant, parce qu'elle est rejetée, hein? Elle ne fait pas partie de notre religion. Ahsant, d'après la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith rapporté par notre mère, Aisha radiallahu anha, Celui qui œuvre dans notre affaire, dans notre religion, une œuvre qui n'en fait pas partie, cette œuvre se verra rejetée, lui sera rejetée. Donc, l'innovation est quelque chose qui est rejeté de base, une chose qui ne fait pas partie de la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et comme l'a expliqué Cheikh Rabi', hafidahullah, comme on l'a lu la semaine dernière, si une chose trouve une preuve dans le Coran, dans la sunna, eh bien cette chose n'est plus une innovation, elle est une sunna. Et une innovation, sans aucun doute, ne rentre pas dans l'une de ces catégories parce qu'elle, de base, elle ne fait pas partie de la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. On a dit toute chose qui fait partie de la religion rentrera dans l'une de ces cinq catégories. Le bid'a n'en fait pas partie de base. Donc, nous comprenons à travers ce détail qu'il n'y a pas de bonnes innovations. Comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans Khutbatul Hadia, que vous avez l'habitude d'entendre tous les vendredis, toute innovation est un égarement et tout égarement est dans le feu, c'est-à-dire son auteur est dans le feu. Toute innovation est un égarement et tout égarement est dans le feu. Toute innovation en religion est un égarement. On a donné un détail aussi la semaine dernière sur l'innovation en religion. On a dit que l'innovation en religion se divisait en deux. Et ensuite, l'une de ces deux catégories se divise en plusieurs subdivisions. Quelles sont ces deux divisions? L'innovation en religion se divise, Mustafa Tfadl. Parole et croyance. Ahsant. Et dans l'adoration. Et dans l'adoration. C'est-à-dire une innovation, Ahsant, Mustafa, barakallahu fik. L'innovation en religion se divise en innovation dans les paroles et les croyances. L'innovation dans les croyances. Et l'innovation dans les adorations. Un exemple d'innovation dans les croyances. Les imams des soufis, ils ont atteint le degré d'Allah. Par exemple, d'une manière générale, l'innovation dans la croyance de Soufiya, la croyance des soufis, n'est pas la croyance sur laquelle était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais ses compagnons. Donc c'est une innovation dans la croyance. Avec tout ce que Soufiya, les voix soufis, rapportent comme innovation dans les adorations. Mais ici, on parle de la croyance. De même que quelle innovation dans la croyance? Fadal. C'est une innovation dans la croyance, mais de manière plus générale. L'innovation de qui? Fadal Imad. Al-Qadariya, par exemple. L'innovation de qui aussi, Muhammad? Al-Murji'a. L'innovation de qui? Al-Khawarij. C'est-à-dire l'innovation dans la croyance de toutes ces grandes sectes qu'on a évoquées précédemment et qu'on va évoquer dans le détail prochain. Donc, une innovation dans la croyance d'une secte est une innovation dans la parole et la croyance, comme on vient de le subdiviser ici. Puis on a la subdivision, la deuxième subdivision que j'ai fait, et comme je l'ai dit, toutes ces divisions-là sont des divisions qui ont été faites par les savants pour nous aider à comprendre l'innovation, pour nous aider à comprendre, donc on fait ce détail-là, et ça t'aide, toi ici, de connaître ce détail-là, pour comprendre ces innovations à propos desquelles tu n'as pas forcément entendu un savant ou lu une fatwa ou lu dans un livre que telle chose est une innovation. Mais d'apprendre ces bases te permettra de juger d'une œuvre, c'est-à-dire quelqu'un te ramène une œuvre ou une croyance. On a notre jauge, notre balance dans laquelle on pèse les actes et les paroles de même que les gens. Quelle est cette jauge? Quelle est cette balance? Le Coran ou la Sunna. Si une personne te ramène une croyance ou une œuvre, jauge cette personne, pèse-la dans la balance du Coran et de la Sunna. Si elle est en conformité avec le Coran et la Sunna, cette chose est la Sunna. Comme l'a dit Cheikh Rabi, cette chose ne sera pas une innovation, ce sera une Sunna. Il y a un texte du livre d'Allah ou de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si cette chose est en contradiction ou cette chose ne trouve pas de base dans le Coran et la Sunna, alors cette chose sera une innovation. Donc, ces subdivisions que font les savants nous aident à comprendre pourquoi telle chose est jugée comme étant une innovation ou pourquoi cette chose n'est pas une Sunna. Maintenant, on a dit que dans l'adoration, donc comme je l'ai dit aussi la semaine dernière, les savants ont plusieurs manières de subdiviser l'innovation. Ici, j'ai donné une division et il y a d'autres subdivisions qui sont faites par les savants. Donc, ne vous arrêtez pas au fait que ici, on a donné cette subdivision. Si quelqu'un ramène une autre division, vous dites non, c'est pas comme ça. Vous comprenez ? On revient aux paroles des savants concernant cela. Ils ont donné plusieurs divisions, ceci, comme je l'ai dit, afin de comprendre la différence entre la sunna et la bid'a. Dans la division que j'ai donnée la semaine dernière, donc, les innovations en religion se divisent en innovation dans la croyance ou innovation dans la pratique, dans les adorations. Parmi ces innovations dans les adorations, on a dit qu'il y avait, on a divisé en quatre catégories, Tfadal Sofiane. Dans sa base. Dans sa base. D'abord dans sa base. Donne un exemple, s'il te plaît, Sofiane. Une innovation dans la base de l'adoration. On avait dit un exemple sur la salat. Par exemple. C'est-à-dire, parce qu'on a donné un exemple dans la salat pour cette subdivision, cette sous-catégorie, de même qu'une autre. Ah, le rajout. Dans le rajout, ça c'est une chose. Mais ici, par exemple. Un exemple un peu plus concret. Hein? Tfadal. Faire une prière qui n'existe pas. Ahsante. Faire une prière, pratiquer une prière, qu'elle ait un nombre égal de raka'at qu'une prière qui existe déjà, mais une prière qu'on appellera d'une certaine manière et qui n'a aucune source. Ici, on dit que c'est une innovation dans sa base, puisque la prière est une chose légiférée. De même que l'Eid, la fête, entre guillemets, comme on pourrait traduire approximativement, la fête, l'Eid, est une chose légiférée, une chose qui existe. Et les musulmans ont deux Eid. Al-Fitr ou Al-Adha. Si une personne invente une fête autre que ces deux fêtes, il aura certes innové une innovation dans sa base. Pourquoi dans sa base? Car nous n'avons que deux fêtes. Si une personne ramène une nouvelle fête et dit par exemple le Mawlid al-Nabawi ou alors n'importe quel Mawlid parmi le Mawalid, eh bien cette chose-là est une chose par laquelle cette personne cherchera à se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala par une fête qui existe, une chose qui existe en religion, mais lui, il aura inventé une fête qui n'existe pas du tout, de même qu'une prière. La deuxième de ces sous-catégories. Tfadal Saïd. Le fait de faire le dhikr en groupe. C'est quoi, Ahsant, mais c'est quoi ça? On a dit dans quelle catégorie on a mis ça? Dans la catégorie des ribadat, en fait. Des ribadat, mais quelle sous-catégorie? On a donné une sous-catégorie pour ça. Tfadal Mohamed. Dans la manière de faire Ahsantum. Donc on a dit dans la base, on a dit dans la manière, c'est-à-dire que cette personne-là n'aura pas inventé, n'aura pas innové quelque chose, une adoration dans sa base. Il aura fait ses adhkars, par exemple les adhkars du matin et du soir. C'est quelque chose qui est légiféré, qui existe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a légiféré des adhkars, des invocations à faire le matin et le soir. Mais il aura innové dans sa manière, comme l'a dit Saïd, comme l'a dit Mohamed et comme l'a dit Saïd. Ici, il aura innové dans sa manière comment? En faisant ses adhkars, qui sont légiférés, mais il les aura fait d'une autre manière que l'a pratiqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. C'est-à-dire qu'il aura fait ses adhkars en groupe et en une seule voix. Ahsantoum, une troisième catégorie qu'on a donnée. Tfadal, c'est quoi? Le nombre. Dans le nombre ou dans le rajout. En rajoutant. Par exemple. Par exemple, la prière de Dhuhr, par exemple, au lieu de prier 4 rakat, il prie une 5e rakat. Il dit, moi, j'aime prier, j'ai envie de rendre la prière de Dhuhr 5 rakat pour qu'elle dure plus longtemps. Ça, c'est une innovation, pas dans la base, pas dans la manière, puisqu'il aura prié ses 5 rakat à la manière dont priait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais il aura rajouté une rakat. Une dernière sous-catégorie qu'on a donnée. Hein? Hein? Tfadal Hamid. Le temps, ouais. Dans son temps, c'est-à-dire prendre un mois, et puis faire des prières le soir ou se regrouper. Ahsant, prendre un temps particulier pour pratiquer une adoration qui existe déjà, qui est légiférée, d'une manière légiférée, en un nombre d'unités, par exemple, de prières légiférées, mais à un temps. Et particulariser un temps et donner un caractère méritoire à un temps auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas donné de caractère méritoire. Comme par exemple, comme dans deux mois, dans un mois et demi, nous serons dans le mois de Sha'ban, qui précède le mois de Ramadan. Une innovation qui est répandue, le fait de prendre à la mi-Sha'ban, la moitié du mois, un jour, ce jour de la mi-Sha'ban, pour jeûner le jour et prier la nuit. Que tu pries en groupe ou que tu pries tout seul, mais de particulariser ce temps, la Mi-Sha'ban, en pensant qu'il y a un mérite dans ce mois pour faire ces adorations-là. Un mérite dans ce mois pour faire ces adorations-là. Ahsantum barakallahu fikum. Donc si quelqu'un te ramène une de ces innovations, tu sais que c'est une innovation et tu dis c'est une innovation. Parce qu'on a l'habitude d'entendre ça. Ça, c'est une bid'a. Et si tu dis, mais pourquoi c'est une bid'a? Pourquoi c'est une bid'a? Nous appelons à Allah, tabaraka wa ta'ala, nous nous réunissons pendant 3 jours par mois, 40 jours. Vous comprenez? Ici, la manière dont vous faites cela, est-ce que cette manière-là est une manière qui est légiférée par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que c'est une manière de faire qui est agréé par Allah tabaraka wa ta'ala, car légiféré par son prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non, sans aucun doute. Si quelqu'un te demande un détail sur une innovation, tu ne peux pas te permettre, si tu donnes un jugement sur quelque chose, pour toi, c'est une chose qui te convient, tu sais que cette chose-là est une innovation, tu t'en écartes. Mais si tu veux appeler à Allah tabaraka wa ta'ala, si tu veux inviter les gens à cela, si tu veux mettre en garde, tu ne peux pas te contenter de dire c'est une bid'a, et si la personne te demande pourquoi, tu dis c'est une bid'a et c'est tout. Ici, c'est ce que l'on fait ici, c'est donc d'apprendre la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala afin de pratiquer nous-mêmes et d'appeler les gens à cela. Tu sais que ce qu'ils appellent le khuruj fi sabilillah, comme ils le disent, c'est une bid'a. Alhamdulillah, pour toi, tu as entendu. L'ulama, elle dit c'est une bid'a. Tu ne sais pas pourquoi. Quand tu vas parler avec une personne qui va te demander pourquoi, tu ne pourras pas lui expliquer. Tu as connu ça pour toi. C'est ça la différence entre celui qui étudie la science et celui qui ne l'étudie pas. Celui qui entend les paroles des gens de science et qui se contente de cela pour sa propre personne, c'est une chose qui est louable, c'est une chose qui est bien. Mais celui qui vient pour apprendre la science, c'est quelque chose de mieux encore. Cette personne-là, il est encore plus profitable à la communauté puisqu'il pourra pratiquer pour lui-même puis appeler les autres à cela.